Bienvenue, chers auditrices auditeurs, vous qui êtes branchés sur Isanganiro, c'est le moment de suivre l'émission Mosaïque qui aujourd'hui s'articule sur l'éducation. Nous allons débattre sur le réseau scolaire récemment initié par le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique. Le 19 décembre 2019, le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique a arrêté l'ordonnance ministérielle portant sur le réseau scolaire. Celui-ci est un groupement d'écoles qui mettent ensemble les ressources humaines, matérielles et pédagogiques pour favoriser une meilleure réussite scolaire éducative et un épanouissement culturel et sportif. Par après, les écoles n'ont pas tardé à mettre en exécution cette ordonnance. Des examens en réseau à la fin de chaque trimestre ont été organisés au niveau national depuis l'exercice 2020-2021. Plus d'un s'interroge sur l'objectif de cette ordonnance régissant la mise en place de ce réseau scolaire. Comment est organisé ce réseau scolaire? Quelle sera sa valeur ajoutée sur la capacité intellectuelle des éduqués et sur le système éducatif au Burundi? Ce sont les principales questions qui vont nous guider dans ce débat qui a vu la participation des intervenants dans le secteur de l'éducation. Docteur André, vous êtes le directeur général des curricula et des innovations pédagogiques au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique et professeur d'université. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour. Mosaïque d'aujourd'hui voit la présence de Cassien Gachirahamwe. Vous êtes vice-président de la coalition Bafashevige qui suit de près le système éducatif au Burundi. Vous êtes le bienvenu dans Mosaïque. Bonjour, merci. Nous avons aussi l'honneur de recevoir à tout à l'heure au studio Dr Pierre Claver Kanawaze. Il est professeur d'université, spécialiste en pédagogie. Séraphine Akizimana assure la mise en onde à la prise des images. C'est le duo Justicia Gracia Tuikeze et Dorine Nduimana. Alain Désiré Boukeneza réalise ce débat et à l'animation, vous êtes avec Vérité Nzikobanyanga. Rebonjour et bienvenue. Mosaïque. Docteur André Nduimana, professeur déjà au ministère de l'Éducation, qu'est-ce qui a motivé cette ordonnance portant création, mission, organisation et fonctionnement des réseaux scolaires? Ça date de quand? Cette ordonnance date de 2019. Mmh. Et là, l'ordonnance a pour objet, si vous voulez, la mutualisation, la mutualisation des ressources matérielles, des ressources humaines et des compétences partagées entre les écoles. Il a été constaté depuis, si vous voulez, l'instauration de l'enseignement fondamental que les écoles n'avaient pas le même niveau au niveau des équipements, au niveau des compétences des enseignants. Et c'est pour cela qu'il a été vu que les écoles pouvaient se regrouper, effectivement, mais essentiellement dans un sens de renforcement de capacités, des capacités matérielles pour que les écoles puissent se soutenir dans l'intérêt des enfants. On peut voir par exemple que dans une école, il y a un enseignant de mathématiques avec une grande expérience qui pouvait dans ce même réseau, si vous voulez, aider les pères à s'améliorer et même aller dispenser quelques cours modèles pour que les élèves puissent avoir une formation, si vous voulez, conséquente. On a vu qu'avec le regroupement des disciplines en domaine, un chargé de domaine maîtrise uniquement deux disciplines, alors il pouvait se faire aider par un autre professeur d'une autre école pour que les enfants puissent avoir une formation complète. Comme vous l'aurez lu à l'article 2, c'est la mise en commun des ressources humaines, la mise en commun des compétences, la mise en commun des équipements scolaires pour favoriser la réussite scolaire. Alors, l'objet d'aujourd'hui, l'examen en réseau, c'est une activité qui peut être organisée dans le cadre de réseaux scolaires, comme vous pouvez le retrouver à l'article 6. Les réseaux scolaires peuvent s'organiser, c'est au moins 6 écoles qui vont ensemble, mais les réseaux scolaires peuvent s'organiser au niveau local, au niveau communal, au niveau provincial. Voilà l'idée générale des réseaux scolaires Et si vous voulez, cette activité des examens en commun qui est placée, si vous voulez, dans le cadre de cette ordonnance. Et comment c'est organisé? Il y a ce que l'on appelle une école pilote. Il y a des écoles que l'on appelle des écoles satellites. Ça veut dire que ces écoles satellites, essentiellement, vous allez retrouver que c'est des lycées communaux nouvellement créés qui ne sont pas équipés suffisamment et où les ressources humaines ne sont pas aussi conséquentes. Et ils vont, si vous voulez, se ressourcer pour que, effectivement, les élèves puissent profiter, capitaliser, si vous voulez, les ressources qui sont disponibles dans cette école-là. Est-ce qu'il n'y a pas des écoles, des grands lycées qui n'ont pas adhéré à ce système? Cette ordonnance ouvre la voie à l'organisation. Mais l'initiative est de se mettre ensemble, comme vous allez le lire, est du ressort, si vous voulez, de l'autorité communale en charge de l'éducation. C'est lui qui répond, si vous voulez, il peut l'organiser ou pas. Ça, c'est un cadre d'ouverture qui permet, si vous voulez, l'organisation de ces activités. Merci beaucoup, Dr. André Ndouimana, professeur d'université. Kassien Gachela-Hamgué, comment est-ce que vous appréciez ce nouveau système dit réseau scolaire, ainsi que cette passation des examens à raison à chaque fin du trimestre? Quel est votre commentaire? Et mon commentaire est simple. En fait, nous apprécions très positivement la mise en place du système. En fait, nous, en tant que coalition des organisations de la société civile, qui lutte pour en fait, une éducation de qualité et pour tous, en fait, ce système devrait être mis en place. La mise en place du système des réseaux scolaires, nous, ne nous gêne à rien. Seulement, le problème, c'est la mise en application de l'ordonnance. Est-ce que réellement, les réseaux scolaires tels que prévus par l'ordonnance, ils sont opérationnels, ça vraiment nous doutons. Vous l'avez dit, vous avez posé la question, comme quoi est-ce qu'il n'y a pas de communes qui n'ont pas de réseau, soit parce qu'il y a très peu d'écoles, soit il y a, je ne sais pas, des écoles qui ne souhaitent pas adhérer. Normalement, toutes les écoles devraient adhérer. C'est ça l'équité. Et puis, au niveau des communes, comme l'a dit le professeur, le directeur général du bureau de Kirikoura, en fait, les écoles, justement, ça, c'est parmi les motivations de cette ordonnance. Dans des communes, il y a beaucoup d'écoles, surtout des écoles fondamentales, quatrième cycle, parce que le réseau aussi s'étend sur le quatrième cycle. Il y a beaucoup d'écoles. En fait, pour faciliter l'encadrement, il a fallu en fait un système qui permet d'encadrer bien les enseignants et surtout de mutualiser. Jusque-là, vraiment, c'est bien. Mais la mise en application de cette ordonnance, je ne sais pas vraiment si ça répond très bien au souhait de notre coalition. Et vous avez parlé des examens. Là aussi, organiser des examens, c'est une activité parmi d'autres, en fait, dans la mise en œuvre des raisons de l'ordonnance plutôt. Oui. Mais comment sont organisés les examens? Il y a eu des remous. Comme quoi on a triché, on a volé des examens, surtout ici à Bujumbura. Sinon, comme l'a dit le professeur, en fait, l'organisation des écoles à raison a commencé même avant l'ordonnance. Il y a des communes qui avaient déjà organisé les écoles à raison, même des examens qui ont été faits en réseau. Mais malheureusement, ici à Bujumbura, lors des examens, nous avons entendu qu'il y a des tricheries. C'est quelque chose à corriger, évidemment. Parce qu'en tout cas, si les examens sont volés, il y a quelqu'un qui vole ces examens. Il faut punir. Sinon, en fait, l'idée de mettre en place l'organisation des réseaux, vraiment, il n'y a pas de problème pour nous. Oui, merci, Kassien Gachela-Hamgué. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la coalition Fachevigue. En attendant toujours le professeur Dr Pierre Claver Kanamazé, revenons du côté du ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique. Dr André Ndouimana, il peut y avoir des inquiétudes à ce système en réseau. Pourquoi ce système ne concerne que des écofos et non les écoles d'excellence? La première question, vous avez entendu des remous signalés par Kassien Gachela-Hamgué. Il y a eu des tricheries. Cette ordonnance, donc, suscite des inquiétudes? Non, il n'y a pas eu de tricherie à cause de cette ordonnance. L'ordonnance ne nous amène pas au ciel. Je voudrais réagir simplement par rapport à l'intervention de mon collègue Gachela-Hamgué. C'est que cette ordonnance ouvre une voie, c'est un cadre légal mais l'ordonnance n'a rien de contraignant. Ça veut dire qu'au niveau des communes, au niveau des provinces, c'est eux qui prennent l'initiative de se regrouper. Alors, ici, je vous signalerai que dans la province de Kar aussi, les écoles se sont regroupées et si vous suivez les informations, je suis sûr que vous les suivez, vous savez que la province de Kar aussi vient de deux reprises. À trois reprises, voilà. Oui. Vous comprenez fort bien que ce système de réseau scolaire a produit, si vous voulez, des effets qui sont visibles. Ça veut dire que le système de réseau scolaire, ce n'est pas un système nouveau. C'est un système où certaines écoles, bien sûr, ont adhéré. Et c'est évident que lorsque c'est bien organisé, les retombées sont toujours positives. Ça veut dire que c'est chaque commune qui s'organise. C'est chaque TPE qui s'organise. À Kar aussi, par exemple, ça a commencé dans la commune de Guihogazi. Maintenant, c'est étendu sur toute la province. Oui. Alors, tellement c'est bien organisé que vous n'avez jamais entendu parler de tricherie. Pour les histoires de tricherie, on va y revenir. On va y revenir pour expliquer, appréhender quelque peu, si vous voulez, ce qui serait la cause de ces tricheries. Dans la mairie de Bujumbura, par exemple, oui. La direction provinciale de l'éducation a constaté que les écoles n'avancent pas au même rythme. Alors, le système d'évaluation en réseau, c'était essentiellement pour s'assurer que la matière prévue pour le trimestre a été effectivement vue. C'est une façon d'évaluer les enseignants, c'est une façon aussi d'évaluer l'état d'encadrement des écoles. Alors, vous comprenez très bien que c'est une façon de promouvoir la régularité des enseignants quant au respect aussi des contenus matières et des méthodes d'enseignement recommandées par le ministère. Nous sommes ici à Bujumbura. Nous avons toujours vu avec l'ancien système, heureusement que le Conseil des ministres a donné de l'espoir, si vous voulez, pour l'équité, là où pour réussir l'examen d'État, il fallait avoir 30%, il fallait considérer 70% pour l'examen d'État et 30% pour les notes des écoles. Et nous avons constaté qu'il y avait des écoles qui distribuaient, j'utilise le mot distribuer, parce que lorsque on voit qu'il y a des étudiants qui avaient 97%, que le dernier a 82%, pour leur donner une chance d'avoir cet examen, ce qui était injuste. Alors, nous avons voulu effectivement voir quel est le niveau réel, quel est le niveau réel des écoles. Aussi, dans ces écoles-là, très souvent, il y a eu monnayage des notes à partir des enseignants. Ils n'enseignent pas la matière, mais ils distribuent des notes. Mais avec ce système d'examen en réseau, ça veut dire qu'on va voir effectivement quel est cet enseignant qui est compétent. Quel est cet enseignant qui n'est pas compétent parce que les résultats des enfants vont traduire, si vous voulez, effectivement, s'il a enseigné. Si on tombe dans une école, on donne par exemple 5 questions. Les élèves disent, bon voilà, ça fait 5 questions, bah, on n'a pas vu. 2e question, on n'a pas vu. 3e question, on n'a pas vu. Ça veut dire que l'enseignant n'a rien fait. Ça veut dire que maintenant, ce système permet, si vous voulez, d'utiliser le même miroir pour évaluer les écoles et les enseignants. Ce système permet d'éviter l'avancement de classe aux élèves qui ne dispensent pas de la compétence nécessaire. Nous sommes ici à Bujumbura. Vous avez été dans beaucoup d'écoles privées. On distribue 300 diplômes, 400 diplômes et on trouve qu'il n'y a que 20 qui ont eu 50% au cours de l'examen d'État. Alors, ces diplômes montrent quoi, effectivement? Nous voulons effectivement que les diplômes soient octroyés aux gens qui ont de la compétence. Alors ce système permet, si vous voulez, de ramener de l'ordre dans les écoles, dans toutes les écoles, oui. De relever les écoles faibles et de renforcer les écoles, si vous voulez, qui sont faibles. Moi, je me dis, lorsque on prend 38% de notes de passage de l'enseignement de l'école fondamentale au poste fondamental, c'est que quelque part, nous avons échoué. Est-ce que les élèves ne sont pas victimes de l'incompétence des directeurs des écoles, de l'incompétence des enseignants? Effectivement, c'est ce que nous voulons voir avec des yeux objectifs. Lorsque, par exemple, nous sommes dans une école où on fait un examen en réseau et que cette école ne parvient pas, si vous voulez, à se relever, ça veut dire qu'on sait aujourd'hui identifier quel est cet enseignant qui est incompétent, quel est ce directeur qui ne fait pas exactement ce travail. Oui, et docteur André Douimana, professeur et DG au ministère de l'Éducation. Nous avons aussi l'honneur de recevoir à ce studio docteur Pierre Claver Kanavadze. Vous êtes spécialiste en pédagogue. Notre débat aujourd'hui axé sur la mise en réseau scolaire. Vous avez entendu ce système, ça fait déjà 2 ans qu'il est mis en application. Quelle est l'analyse que vous faites déjà après 2 ans? Merci. Effectivement, il y a une nouvelle méthode d'évaluation qui s'implante de plus en plus sur le territoire national. Et effectivement, certaines écoles ou certaines directions scolaires ont commencé à appliquer ce système il y a 2 ans, tandis que d'autres viennent de commencer et d'autres n'ont pas encore commencé. Tout d'abord, il faut dire que partout au monde, les systèmes, la politique éducative ainsi que le système éducatif préoccupent le monde entier. Et normalement, aujourd'hui, tout système éducatif devrait être caractérisé par l'efficacité, l'équité et l'efficience. Normalement, les 3 notions doivent caractériser tout système éducatif. Je pense que l'introduction des évaluations en réseau, en fait, répond, n'est-ce pas, à la mise en application de l'équité et de l'efficacité. Normalement, au niveau de l'équité, les apprenants doivent être traités de la même manière. On peut distinguer l'équité d'accès et l'équité de traitement. Au niveau de l'accès, en fait, vous savez que aujourd'hui, l'école, non pas obligatoire, mais l'école, je dirais que aujourd'hui, tout enfant en âge scolaire doit en fait s'inscrire à l'école. Et il doit aussi aller au-delà des 3 premiers cycles et au moins arriver à terminer l'école fondamentale. Donc, il y a prolongation aujourd'hui, et je dirais, de l'enseignement jusqu'au collège et même au-delà. En introduisant alors ces évaluations en réseau, on a voulu introduire la notion de équité de traitement. Il faut que les élèves, les apprenants, soient traités de la même manière. Je pense que mon collègue ici vient le dire, l'a très bien souligné. On a constaté que, en fait, il y a des irrégularités qu'on a constatées. Des enfants qui obtiennent dans les 90% en classe et dans les évaluations externes, à l'instar du concours national organisé à la fin du cycle fondamental et de l'examen d'état organisé à la fin du cycle des humanités générales et techniques, les élèves qui obtiennent 80% obtiennent parfois 0%. Ça, c'est une réalité. Allez voir le classement des écoles de certaines filières, en particulier les écoles techniques, à Bujumbura, la moyenne, n'est-ce pas, revient à 0. Alors qu'en classe, on a quoi? On a dans les 90%. Alors, il y a moyen de s'interroger sur cette différence. Autrement dit, les enseignants, en évaluant, ne tiennent pas compte des objectifs des cours, mais ils évaluent en fonction du niveau de la classe. Or, normalement, il y a un programme qu'on doit exécuter. Et les évaluations doivent porter sur le programme, doivent porter sur les objectifs. Alors, maintenant, avec ces évaluations en réseau, je pense que les enseignants vont prendre conscience. Les établissements vont prendre conscience. En fait, avec ces évaluations, c'est un moyen donc, d'une évaluation des enseignements, des méthodes d'enseignement, de l'état d'avancement dans les programmes et en fait du programme, donc du curricula, n'est-ce pas, mis en place. Comment peut-on alors expliquer ces différences? En regardant, je pense, là, vous venez quoi? Le plus important, ce n'est pas l'application directe, mais Après, c'est ça qu'il faut vivre. Mm-hmm. Après, c'est pour pouvoir en fait accompagner ces écoles mm-hmm. en difficulté pour que en fait ces écoles aussi aient un niveau quand même raisonnable. Oui, il faut que ces écoles aient un niveau raisonnable. Vous venez de relever quelques défis. Cassien Gachirahamwe, vous venez d'entendre ce qui a été dit. Il y a le système de mise en réseau scolaire qui est déjà, la machine est déjà sur les rails. Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, Koma Bafashe Wige trouve cette évaluation en commun, en réseau, ces examens en réseau? Oui, encore une fois, merci. En fait, les examens en réseau, comme viennent de le dire les autres, c'est pas mal. Mm-hmm. On est en train d'évaluer, c'est l'équité. On est en train d'évaluer les élèves de même niveau avec une même évaluation. C'est tout à fait normal. Le problème qu'il y a, en fait, on évalue évidemment les compétences, mais pour avoir les compétences, il faut des intras. Il faut que, en fait, on devrait aussi évaluer les moyens mis en œuvre pour en fait, avoir ces compétences. Tout cela, je veux dire que quelque part, on a parlé des enseignants, on a parlé aussi qu'on évalue les enseignants, on évalue aussi les établissements. Mais quelque part, là, si on parle des enseignants, est-ce que quels sont les enseignants que nous avons? Oui, quelquefois on redoute de la qualification, des oui. enseignants. Oui. Il y a le manque d'équipement. Mm-hmm. Il suffit d'aller voir dans les écoles. Il y a l'exiguïté des classes. L'exiguïté des classes. Mm-hmm. Depuis la première, enfin, maintenant on est varié au niveau du quatrième cycle. Mais depuis la première année, il y a problème. En fait, c'est pas... Le niveau ne va pas être relevé au niveau du quatrième cycle. Le niveau, en fait, devrait être préparé. C'est-à-dire que dès la première année, les conditions d'apprentissage devraient être améliorées. Allez voir dans des salles de classe de la première année, vous allez trouver qu'il y a des salles de classe qui contiennent plus de 200 élèves. Alors, vous allez trouver que vous allez acquérir l'établissement que les élèves ne réussissent pas. Mais, à vrai dire, c'est au niveau de l'équipement. En fait, on évalue, c'est vrai, on évalue les enseignants, on évalue les établissements, mais aussi, on s'évalue en tant que ministère. Mais quand Kakaru aussi est première à l'examen d'État trois fois consécutives, est-ce que Kakaru aussi sont gâtés par rapport à Bujumbura, la capitale économique? Non, en fait, le cas de Carlos, je crois que c'est un autre cas qu'il faut bien analyser. Je ne sais pas comment il parvient à être premier. En fait, aller à Carlos, vous allez trouver que le taux aussi de redoublement est plus élevé. Mm-hmm. C'est-à-dire que quelque part, il bloque les enfants. Mais ils ne les bloquent pas. Ils prennent les meilleurs. Ils prennent les meilleurs. Ah, oui. Et ils prennent les meilleurs. En fait, le redoublement. Mm-hmm. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est mal? Donc il n'y a pas favoritisme à Moi je pense que, enfin, je le laisse. Oui, oui. Sinon, oui. En fait, j'allais dire qu'il faut évaluer les écoles, c'est vrai, mm-hmm. mais il faut aussi évaluer les intras, les équipements. Est-ce que telle école a vraiment des équipements qui peut lui... De créer de bonnes conditions. Oui, qui répondent à la bonne qualité de l'enseignement. Est-ce que l'établissement a des enseignants vraiment qui... S'il avait acquisé de l'établissement qu'on a vraiment un niveau très faible, ainsi de suite, là aussi, il n'y a pas d'équité. Oui, monsieur le DG André Nduimana, pourquoi ce système, ce nouveau système ne concerne que des écofo, des écoles fondamentales, et non les écoles d'excellence. Ah, il faut que je revienne d'abord sur l'inquiétude de Bafashe Wige. Oui, de Bafashe Wige. Mm-hmm. La question ici, ce n'est pas d'accuser, mais d'évaluer. Si on est dernier, on est sûr qu'on en est dernier. Et on demande plus d'efforts. Ce qui suit, c'est quoi? Après cette évaluation, il va y avoir un autre travail de voir maintenant mm-hmm. pourquoi cette école est toujours dernière. Est-ce que c'est par manque d'enseignants qualifiés mm-hmm. Est-ce que c'est par manque d'enseignants tout court? Est-ce que cette école dispose du matériel nécessaire? Alors, vous voyez qu'on doit partir de quelque part. On doit partir de quelque part. Il y a des écoles qui sont ouvertes. Mais lorsqu'on regarde le mode de fonctionnement, on trouve vraiment que ce n'est pas la peine. C'est comme ces écoles que l'on appelle ici à Bujumbura, mungumirisées, pour attendre que l'enfant grandisse, mais sans compétences attendues. Mais avec l'ancien système, Bujumbura, la capitale, était première. Pourquoi avec le nouveau système, Bujumbura se trouve sous la barre? Non, Bujumbura n'a jamais été première. Parce que... Mais on disait, il y a des grands lycées. Oui, oui, il y a des grands lycées. Il y a des grands lycées, bien sûr, mais il y a des grandes écoles ici à Bujumbura, il y en a. On peut les citer. Mais il y a une pléiade, une multitude des écoles qui ne valent pas la peine. Et ce sont ces écoles-là... écoles privées-là. je ne parlais pas d'écoles privées. Qui poussent comme des champions. Voilà. Alors, mais c'est ça maintenant qui vont diminuer la moyenne de Bujumbura. C'est essentiellement cela. Alors, lorsque j'en viens à l'équipement, les écoles de Karoussi ne sont pas mieux équipées que les autres. Mais les écoles de Karoussi sont mieux organisées. Et comptent peu d'élèves. Je ne peux pas le dire. Ça, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Est-ce que vraiment amener un enfant jusqu'en dixième, en septième, alors qu'il ne sait pas écrire, est-ce que ça c'est convenable? Alors, au niveau de l'éducation, il y a toujours des choix. On veut la compétence ou on veut le nombre? Un nombre sans compétences, ça ne vaut rien. Alors, pour parler de l'équipement, je viens de montrer effectivement que les écoles de Muyinga, les écoles de Karoussi ne sont pas les mieux équipées que les écoles de Bujumbura. Autre chose, je ne me rappelle pas de l'année, le ministère de l'Éducation a distribué des équipements pour la chimie dans plusieurs écoles. Ça fait 3 années, 4 années, ces cartons sont toujours fermés. Ils sont toujours fermés. C'est une évaluation qui a été faite pour voir effectivement. On n'a pas d'équipement. On donne l'équipement. On trouve effectivement que cet équipement, en réalité, les professeurs ne savent pas l'utiliser. Et ils n'ont jamais demandé. Ils ont eu l'équipement, ils se sont tués. Ça veut dire que cet équipement n'a rien servi. Alors, pour vous étiez en train de parler De pourquoi le nouveau système... La mise en réseau concerne dans pas... les écofos qui ne concernent pas les écoles d'excellence. Bon, les écoles d'excellence, si vous voulez, l'organisation des écoles d'excellence, c'est un cas d'étude. Les écoles d'excellence, si vous voulez, je peux dire que ce sont des écoles privilégiées. Vous pouvez poser des questions au niveau des sélections. Mais on a, vous savez, qu'on a 4 écoles d'excellence. Oui. 4 ou 5, dans le... 5 dans le 5 oui. 5 écoles d'excellence. Vous comprenez que ces écoles d'excellence, on peut mettre les écoles d'excellence en réseau. Les 5 écoles d'excellence pour faire le même examen et pour voir effectivement là où il y a l'excellence. Ça c'est très facile. Mais prendre une école d'excellence et directement alors que nous sommes déjà dans la phase expérimentale et l'embarquer avec toutes les écoles satellites, on peut, si vous voulez, biaiser les résultats que l'on attend. On veut que, effectivement, ces écoles d'excellence, si vous voulez, puissent être là, fonctionnent. Et bien sûr que dans un proche avenir, ces équipements, ces professeurs-là, ils vont renforcer les autres. Mosaïque. Oui, je rappelle à ceux qui nous écoutent que Mosaïque en cours axe sur l'ordonnance ministérielle portant sur le réseau scolaire. Monsieur Cassien Gachirahamwe, vous êtes vice-président de la coalition Bafashebiigé. Vous avez évoqué à tout à l'heure les problèmes qui hantent le nouveau système réseau scolaire. On peut passer à la deuxième partie qui concerne ce qui devrait être fait. Vous, en tant que Bafashebiigé, pour la réussite de ce nouveau système, qu'est-ce qui devrait être fait? Ce qui devrait être fait, en fait, c'est notamment la bonne organisation de ce réseau scolaire. C'est-à-dire que au départ, là, on a parlé que c'est une façon de mutualisation des écoles, en fait, d'échanger d'expériences et d'échanger des ressources, et ainsi de suite. Et j'ai dit qu'en fait, il y a très peu d'écoles qui sont très bien équipées. Même ces ressources humaines dont on parle ne sont pas vraiment... La majorité ne sont pas qualifiées. On peut trouver un réseau qui n'a même pas un enseignant. Parce que c'est vrai, c'est une équité, mais ces raisons sont constituées par des écoles qui sont proches. C'est-à-dire, si on est à Tchendajuru, c'est-à-dire, ce sont les écoles de Tchendajuru, les plus proches, quelque part, qui partagent les mêmes problèmes. C'est-à-dire, on peut trouver des écoles qui n'ont pas de ressources. Ça, c'est un problème. Il faut chercher à équiper ces écoles. Le minimum, équiper l'école centrale. L'école centrale qui peut, en fait, partager cet équipement par les autres écoles satellites. Aussi, en fait, au niveau de... Ça, c'est au niveau de l'équipement. Même au niveau des enseignants. Il faut doter des enseignants à ces écoles. Le minimum satellite qui peuvent partager les connaissances avec les autres. Parce qu'on ne partage que ce qu'on a. Oui, justement, puisque l'ordonnance disait qu'il s'agissait là d'un groupement d'écoles qui mettent ensemble les ressources humaines, matérielles et pédagogiques. Justement. Mais les directeurs de l'enseignement dans les communes et dans les provinces, ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils ont commencé à mettre les examens en réseau, alors que les trois orientations n'ont pas été prises en compte. Justement. En fait, il faudrait d'abord commencer par là. Mais qu'à cela nous tienne, en fait, les examens en réseau ont presque toujours existé. Parce que même au niveau communal, on organisait des tests communaux. Des examens communaux. Et les examens cantonaux. Les examens communaux. Les examens provinciaux même. Avaient été pour évaluer les élèves. Malheureusement, comment est-ce qu'on a utilisé en fait, les résultats de ces examens? Est-ce que ces résultats font... On a fait l'analyse de ces résultats pour tirer en fait des leçons qu'il faut tirer. En fait, ils ne font pas faire les examens pour faire les examens, pour montrer en fait qu'on a fait des examens en réseau. Il faut, comme l'a dit le professeur, le directeur général, il faut aussi analyser les résultats, tirer des leçons et puis en fait faire des stratégies. Une autre chose qu'il faut faire, ces examens ont créé des remous, en fait, c'est l'équité. Il y a des parents qui se lamentent que en fait, le niveau de lait, les enfants risquent de baisser parce qu'ils font des examens. En fait, ils ne fournissent pas beaucoup d'efforts pour. On amène un examen sur le niveau de. Oui, justement, qu'ils font des examens qui sont choisis par les professeurs qui ne sont pas les leurs. Les uns se lamentent que en fait, les examens sont difficiles. Les autres, parce que les examens sont faciles, en fait, ça risque de baisser le niveau. Alors, là aussi, ce n'est que le début. Je crois que des améliorations peuvent être faites. Il faut améliorer en fait, la façon de choisir ces examens. En fait, choisir un examen qui n'est pas évidemment... Les professeurs le savent comment on choisit les examens. Et puis, cet esprit de tricherie, il faut vraiment... qu'on fasse que les tricheries ne sont pas au niveau des écoles. Oui. Parce que l'inquiétude de Kona, ce ne sont pas les élèves en fait, qui trichent. Il paraît que ce sont aussi les écoles et les enseignants pour essayer de montrer que les écoles ont un niveau ou que, par exemple, un enseignant a bien enseigné. Mais il faut en fait faire attention avec ce phénomène de tricherie. On va y arriver avec le directeur général. Il va nous donner des orientations dans le futur. Comment est-ce qu'ils vont procéder? Docteur Pierre Clavin et Kanabazé, vous avez entendu cette mise en réseau des écoles. Ce réseau scolaire suscite de remous. On a entendu très précédemment qu'il y a eu des tricheries dans Nahangwa, pour ne citer que Nahangwa. Vous, en tant que technicien, cela aurait été dû à quoi? Permettez-moi de revenir un peu en arrière. En fait, là, on se demande pourquoi les écoles d'excellence ne sont pas concernées par les évasions en réseau. Justement, c'est un peu surprenant parce que ces élèves suivent le même programme que les autres. Et si on évalue objectivement, on évalue les objectifs, n'est-ce pas, poursuivis par le programme. Je pense que ces écoles devraient au moins aussi participer à ces examens de réseau. Ou bien, comme le directeur général a souligné, peut-être qu'on organise une évaluation en réseau pour les quatre centres d'excellence. Et aussi, il ne faut pas oublier que même dans les écoles, il y a des écoles d'excellence, je dirais, officieuses. Il y en a des écoles d'excellence officieuses, n'est-ce pas? Et même, il faut voir comment on affecte, pas de l'orientation, comment on affecte les élèves qui terminent le troisième cycle au quatrième cycle. Dans certaines écoles, il y a un pourcentage qu'on doit atteindre. Ce qu'on peut appeler peut-être les écoles, les lycées publics État, dans ce système. Les lycées publics État, comme je dirais, lycée du Saint-Esprit, lycée Vouguizeau, j'en passe, n'est-ce pas? Dans ces écoles, on oriente les élèves qui ont une meilleure note. Et aujourd'hui, ces élèves sont considérés comme étant dans des écoles d'excellence. Et la manière, n'est-ce pas, d'enseigner, n'est-ce pas, la manière d'enseigner n'est pas la même chose que dans les écoles qu'on peut appeler les vraies écoles fondamentales. Donc ce sont les écoles les plus gâtées. Alors là, on risque de parler de la ségrégation au niveau. N'est-ce pas, on l'a déjà souligné. En fait, ces élèves se plaignent, n'est-ce pas, et des examens et des réseaux. En fait, c'est dire qu'en fait, on risque de baisser leur niveau, n'est-ce pas? Oui. Or, qu'il y avait moyen d'organiser les évaluations en réseau comme des tests blancs, n'est-ce pas? À l'instar des tests, des anciens tests cantonaux, communaux, provinciaux. Je pense que même qu'ils joueraient le même rôle que les évaluations, n'est-ce pas? N'est-ce pas effectuées, n'est-ce pas, à l'examen, mais qu'on laisse peut-être la chance, n'est-ce pas, aux enseignants, n'est-ce pas, de choisir les propres examens, mais qu'on fasse en dehors des examens, donc ces évaluations en réseau. Parce que le plus important, ce n'est pas de faire les examens. Le plus important, en fait, qu'est-ce qu'on fait de ces évaluations? Qu'est-ce qu'on fait des résultats des évaluations? Voilà, c'est la question la plus primordiale. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, s'agissant des tricheries que l'on observe, je pense d'abord qu'il faut dire qu'ils sont des cas isolés. Ce sont des cas marginaux, vraiment. Ce n'est pas vraiment généralisé, vraiment. C'est ça, ce sont des cas isolés. Les tricheries, je pense que même, non pas dans les examens, n'est-ce pas, des examens en réseau, il y a ici et là, on entend un enseignant qui a donné un examen. N'est-ce pas? Alors, ces cas isolés, alors, le plus important, comment on traite ces cas? C'est le plus important. Comment on traite ces cas? En cas isolé, il faut le traiter. Il y a la déontologie de l'enseignant. Appliquons le code, n'est-ce pas, le code éthique de l'enseignant. Je pense que quelqu'un qui donne un examen à un élève, je pense vraiment qu'il faut vraiment le punir conformément à la loi. Et là, c'est ce qui manque. Parce que au semestre 1, Tahangwa, il a eu tricherie. Maintenant, les tricheries même recommencent. Et c'est dans la même, c'est pas partout, c'est dans la même DCI, n'est-ce pas? Alors, je pense qu'il faudra voir. Il faudra voir l'administration dans son coin, n'est-ce pas, qui cause un peu problème. Vraiment, ce sont des cas vraiment isolés, mais qu'il faut décourager. Il faut vraiment décourager. Je pense que le DG ici, je pense que vraiment là, ça revient, n'est-ce pas, à l'administration centrale, vraiment, pour décourager. Sinon, comme on l'a vu, en fait, dans les pays, n'est-ce pas, où les moyens financiers vraiment ne sont pas vraiment très suffisants, et je pense que les changements, toujours, on a un peu de difficultés, n'est-ce pas, liés, n'est-ce pas, à des difficultés, je pense, même financières. Mais dans le système éducatif et partout, parfois, sans rêve, on ne peut rien réaliser. Quand vous allez dire que je vais réaliser, quand j'aurai tous les moyens, impossible. Je peux vous donner un exemple très simple, puis on ne va pas courir, n'est-ce pas? Lorsque les collèges communaux sont arrivés, ont été, n'est-ce pas, ont été mis en place, les gens ont dit non, nos enfants là, vraiment, étudier dans des collèges, c'était, je dirais, une honte, n'est-ce pas? On dirait qu'ils ont un niveau faible. Mais aujourd'hui, il y a des relais, des collèges communaux qui sont des grands professeurs, d'université, qui sont des grands médecins spécialistes, n'est-ce pas? Maintenant, vous voyez que, en fait, là, aujourd'hui, petit à petit, il faut oser. Il faut oser, il faut un début. N'est-ce pas? Il faut un début, et au début, toujours difficile, mais les manquements, vraiment, là, il faut les décourager. Oui. Est-ce qu'on peut, on peut rester avec le nouveau système ou bien on peut retourner à l'ancien système? Non. On m'a dit que, pour moi, les évaluations à réseau, comme je l'ai dit, qu'on les fasse en cours, donc en cours d'année, en cours d'année, comme les tests cantonaux qu'on faisait il y a, n'est-ce pas, qu'on a, même qu'on fait aujourd'hui, n'est-ce pas, au niveau des trois premiers cycles de l'enseignement, on les fait. Les tests communaux, on les fait. Les tests provinciaux, on les fait, les, n'est-ce pas. Même dans les réseaux, n'est-ce pas, qu'on fasse de la même manière. Mais qu'on laisse, pour moi, il faut laisser l'attitude à l'enseignant, n'est-ce pas, à l'enseignant, n'est-ce pas, à l'enseignant qui a dispensé son cours, évalué. Mais, alors, la grande question, dans ces écoles où on distribue des points, qu'il faut-il faire? Ah, il faut peser, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça la question. Moi, j'ai un témoignage. Un témoignage dans une école où les élèves n'ont rien écrit dans, n'est-ce pas, n'ont rien écrit dans une discipline parce que toutes les questions portées sur la matière n'ont vu. N'ont vu, justement. N'ont vu. Oui. Oui, n'ont vu. Oui. Alors, c'est en fait pour pallier à ces, en fait, à ces lacunes qu'on observe vraiment dans certaines écoles, n'est-ce pas? Dans certaines écoles. Mais alors, si les évaluations portent sur, même on va y revenir, ce sont les enseignants eux-mêmes qui choisissent, n'est-ce pas, les examens. Les enseignants participent à l'élaboration, n'est-ce pas, des examens. Si ces examens portent sur, n'est-ce pas, la matière vue, je pense que dans l'avenir, il y aura certainement des améliorations. Oui. On va des failles, on va corriger, n'est-ce pas? Mais le plus important, comme je vous disais, c'est pour ces écoles qui distribuent les points, n'est-ce pas? Il faut vraiment les amener, n'est-ce pas, à assurer un enseignement de qualité, à ne pas tromper les enfants, parce que vous voyez que l'échec d'aujourd'hui prépare l'échec de demain. En fait, ces enfants, ils vont arriver à ce moment. Voilà, ils vont arriver, n'est-ce pas? Certains arrivent à la fin du cycle fondamental. Ils ne parviennent pas à voir ils sont éjectés. Les autres vont arriver en première des humanités, sans aucun bagage, n'est-ce pas? Aussi éjectés, alors qu'il y avait moyen de les amener. De les aider, de les amener à acquérir des compétences qui permettront de s'insérer dans la vie professionnelle. Monsieur Cassien Gachirahamne, nous sommes dans les dernières minutes de cette émission. Vous accompagnez le processus, l'éducation au Burundi, vous suivez de près. Le ministère est responsable, les directions provinciales d'enseignement, les directions communales et les parents. Quel est l'appel à toutes ces personnalités pour que l'éducation puisse retrouver la qualité qu'elle avait auparavant? Et comme vous le dites, en fait, l'éducation concerne tout le monde. Oui. Il faut des efforts conjugués. Il faut que le parent fasse ce qu'il doit faire. L'autorité scolaire aussi, en fait, s'implique beaucoup. Quand il y a les formes, parce que c'est un changement d'ordonnance, en fait, le fait d'organiser l'enseignement en réseau, c'est une sorte de réforme, c'est un changement. La plupart des fois, il y a résistance. Il faut en fait casser cette résistance. Comment casser? Il vient de le dire, le directeur général, il faut un dialogue. En fait, ce qui a manqué, ce qui crée même les remous, la vie même pour la réforme de l'enseignement fondamental, c'est qu'il y manque de communication. C'est-à-dire qu'il faut expliquer en fait le bien fondé de travailler en réseau. En fait, ce système de réseau, si vous voulez, très bien, est en train de créer, de montrer en fait son importance. Oui. Tous ces manquements qu'on voit, en fait, ce sont des résultats de la mise en place de ces réseaux. Vous avez parlé, par exemple, des questions qui peuvent être en fait tirées dans des matières qui n'ont pas encore vie. Ça, c'est aussi une évaluation. Pourquoi, en fait, la matière n'est pas... En fait, on ne voit pas la matière au même au même niveau. Oui, la matière, qui n'est pas dispensée de la même façon. En fait, il y a répartition de la matière. Oui. En fait, si la matière devrait être faite au premier trimestre, pourquoi cette matière n'a pas été faite? En fait, c'est que soit il y a des enseignants qui sont trop lents, soit ils sont absents, soit ils n'existent pas. En fait, on devrait analyser tout ça. Alors, vous parlez de la responsabilité de chacun, que ce soit l'administration et ainsi de suite. Il faut que tout le monde s'implique. Il faut que, en fait, les paras participent dans l'équipement, parce que l'école aujourd'hui est communautaire. Dis-moi, pour l'école de base, de l'enseignement de base, il faut qu'ils suivent l'éducation de les enfants, notamment. Il y a des enseignants qui s'absentent et qui sont toujours en retard. Les paras doivent, en fait... qui font des vacatariats ailleurs. En fait, les paras doivent crier. C'est-à-dire, en se mettant ensemble dans ces réseaux, normalement, les enseignants devraient en fait échanger d'expérience. En fait, ceux qui savent devraient apprendre ceux qui ne savaient pas. Même malheureusement, même dans ces réseaux, est-ce que ça se fait? Qui contrôle? Qui fait en fait le suivi? Il faut aussi améliorer le leadership. Oui, tous les acteurs sont interpellés pour que le réseau scolaire soit pris en compte. La dernière minute pour Dr Pierre Clavin Kanabazé, de votre côté. Qu'est-ce qui devrait être fait pour que la qualité de l'éducation soit une qualité meilleure? En fait, pour avoir une bonne qualité de l'éducation, je pense qu'il faut une synergie des différents acteurs éducatifs. Il faut une synergie des différents acteurs éducatifs. À entendre les différents acteurs éducatifs, je pense qu'il faut entendre, il y a le gouvernement en premier lieu, je pense qu'il y a les techniciens, en fait, qui sont en fait des techniciens. Je pense que c'est tout seul, n'est-ce pas, c'est le ministère, en fait, il y a en charge de l'éducation, il y a les parents, il y a les parents, il y a même les apprenants eux-mêmes. Il y a par exemple les ONG, n'est-ce pas, qui œuvrent pour la promotion de l'éducation. Alors au niveau du gouvernement, je pense que au niveau du gouvernement, il faut en fait disponibiliser en fait les ressources humaines, matérielles et financières pour justement arriver à cette éducation de qualité. Et pour au niveau de l'administration, en fait. Centrales qui sont en fait les techniciens et de l'éducation, je pense que il faut essayer en fait aujourd'hui il faut essayer de suivre de près le travail qui se fait dans les écoles. Je pense que l'inspection a une grande tâche, a un grand rôle à accomplir. Parce que quand on explique les performances scolaires, il y a au niveau interne, il y a trois facteurs qui peuvent entrer en jeu. Il y a effet établissement, effet enseignant, non effet établissement, effet ou effet école, effet classe et effet en fait et effet enseignant. Les trois, l'établissement, la classe dans laquelle n'est-ce pas la classe et l'enseignant. Chacun a un rôle à jouer. Aussi, au niveau de l'école, quatrième cycle de l'école fondamentale, au poste fondamental, il y a un autre, n'est-ce pas, vraiment, c'est très difficile pour certains, pour certains élèves de relever leur niveau. Parce que maintenant, on a un problème où placer les élèves. Après l'école fondamentale, on a un grand problème de placer les élèves. Parce que les sections sont trop limitées, n'est-ce pas? Alors, il faut au moins diverger et aller vers les écoles, peut-être même techniques, et même voir professionnelles. Il faut voir les passerelles, si on peut, n'est-ce pas, voir quitter ici et aller vers les écoles professionnelles. On peut avoir un échec en mathématiques, en biologie, en chimie, en sciences, et autres orientés dans les sections scientifiques, parce qu'on n'a pas trouvé la place où vous orienter. Avoir des résultats médiocres en langue et vous orienter dans la section langue parce qu'on a manqué la blague, n'est-ce pas, ou vous orienter. Donc là aussi, au niveau de la classe, il faudra voir les élèves qui sont dans la classe, est-ce qu'ont-ils le niveau, n'est-ce pas, le niveau requis pour suivre les enseignements, apprentissages, n'est-ce pas, qui figurent sur l'offre de formation. Au niveau de, n'est-ce pas, des enseignants, je pense que mon ami l'a très bien dit, non seulement il faut la qualification, mais aussi, je pense que, aussi là, au niveau de, des enseignants, il y a certains maintenant qui ne fournissent pas d'efforts, qui en fait prennent la profession enseignante comme étant une profession, je pensais, dénigrée. Mm-hmm. Mais heureusement que maintenant, le ministère de l'Éducation et de la scientifique vient de mettre en place la politique enseignante pour le valoriser, la carrière enseignante. Mm-hmm. Je pense que cette question pourra prouver, n'est-ce pas, une réponse et que les enseignants bientôt seront très motivés pour travailler. Oui, ce sont les élèves, les écoliers qui en sont victimes, alors que l'ordonnance est stipulée et la mise en réseau des ressources humaines. Monsieur le DG, est-ce que quand vous évaluez la mise en application de cette ordonnance, êtes-vous satisfait? D'abord, permettez-moi de revenir sur les inquiétudes soulevées par mes collègues. On a parlé des tricheries. C'est vraiment dommage, mais les tricheries, c'est toujours un cas isolé. Ce sont des cas isolés, il faut les traiter comme tels. Mais lorsque ça touche le système éducatif, nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés. C'est pour cela que le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a pris deux mesures. La première mesure, c'est qu'il a désigné une équipe qui est déjà sur terrain pour identifier les responsabilités pour ces tricheries. Parce que pour certains cas, ce sont des tricheries collectives. Pour d'autres cas, ce sont des tricheries individuelles. Une école qui vient avec un questionnaire, comme mon camarade l'a dit. La deuxième mesure, c'est que l'on va faire une évaluation. On va faire une évaluation après ce processus, uniquement en mairie de Bujumbura. Vous voyez, ici, en mairie de Bujumbura, c'est une particularité. C'est une particularité parce que ces tricheries ne sont pas encore signalées à Karusi, ne sont pas encore signalées à... Ici, la particularité de Bujumbura, c'est que nous avons effectivement ces différences. Il y a des écoles de grande renommée qui ont de grands records. Il y a des écoles qui sont très bas. Pour ces écoles... Il y a les lamentations des parents. Le niveau va baisser. Niveau ne va pas baisser avec l'examen. Non. Non, le niveau ne va pas baisser avec cet examen. Parce qu'il y a l'examen final de classement après la 9e année ou bien après la première année qui va garder ces écoles au premier niveau. Ça veut dire que aujourd'hui, avec les évaluations en réseau, s'ils ont plus de notes, c'est bien. C'est bien. Ça veut dire que leur compétence, ils la gardent. Après un examen, on perd pas la... L'inquiétude des parents, moi, je trouve que c'est une inquiétude qui n'est pas fondée. Parce que la compétence d'un enfant, c'est une compétence qui s'acquiert au cours de l'année et qui est gardée. Si je peux ajuster deux phrases en français, c'est que j'ai eu le temps de syllabes, j'ai eu le temps d'apprendre la grammaire et progressivement. Alors, il y a aussi ces lycées publics qui ont toujours des records, qui doivent garder leurs records. Il y a maintenant les écoles faibles qui doivent être relevées. Comme on l'a dit, ce n'est pas la peine d'avancer de classe à un élève qui n'a pas la compétence minimale voulue. Ce n'est pas la peine que le ministère de l'Éducation fixe un programme et que les enseignants ne suivent pas ces programmes et qu'à la fin de l'année, on avance les enseignants. C'est la raison qui est poursuivie ici. Là. Je vous ai annoncé les mesures que le ministre a prises. Mais nous devons faire une évaluation. Si je reviens sur les tricheries, il y a des tricheries, effectivement, qui sont... Parce que beaucoup, à Bujumbura, il y a beaucoup d'écoles privées. Et avec une note du ministre de 2019, les écoles qui ne pouvaient pas atteindre 30% devraient être, si vous voulez... sanctionnées. Oui, devraient être sanctionnées. Et un directeur qui n'a pas le record de 20% devrait partir. Et vous comprenez que ces manquements déontologiques font que ces directeurs veulent garder leurs écoles en marche, ou bien, tout simplement, ils veulent garder, si vous voulez, leur place. Alors, l'évaluation, vous avez demandé l'évaluation que nous faisons oui. de l'ordonnance. L'ordonnance n'est pas évaluée. Parce que l'ordonnance, c'est un cadre légal qui permet, si vous voulez, la mutualisation de ces ressources-là. Mais sa mise en application, vous l'évaluez ? Oui, la mise en application, on l'évalue. Nous venons de faire, si vous voulez, une étude sur tout le pays pour voir effectivement quels sont les réseaux scolaires qui sont vraiment fonctionnels. Et je vais vous dire qu'il y a des réseaux scolaires qui sont fonctionnels, il y a des réseaux scolaires qui n'ont jamais fonctionné, il y a des réseaux scolaires qui ne demandent que l'équipement. Ça veut dire que les réseaux scolaires, ils n'ont pas les mêmes possibilités comme il le disait. Oui. Et maintenant, c'est que, parce que je vous ai dit que la première chose des réseaux scolaires, c'était le renforcement des capacités par les pairs. Si par exemple, moi je sais manipuler, je peux faire les expériences de biologie, ben, je peux trouver qu'il y a un collègue qui n'a jamais fait ces expériences-là. Il vient dans mon école, je fais la démonstration, il apprend, et puis, voilà, il va le faire chez lui. Et s'il n'a pas, il ne peut pas le faire chez lui, voilà, au niveau de l'école pilote, on organise un créneau, un samedi, un dimanche, et ses élèves viennent, effectivement, pour utiliser ces équipements. Et ça permet de prendre des initiatives. De notre côté, nous devons, effectivement, voir les réseaux scolaires qui marchent. On les renforce, mais on apporte plus d'attention aux réseaux scolaires qui manquent peu. Parce qu'au niveau du pays aussi, on n'a pas les moyens justes pour distribuer dans tous les réseaux scolaires. Il y a des réseaux scolaires qui manquent peu d'équipement. Et avec la coopération bilatérale, je pense qu'on peut avoir... Les enseignants qualifiés aussi? Les enseignants qualifiés, moi, je n'y reviens pas parce que lorsqu'on est en train d'orienter, bon, c'est une question de ressources humaines, on n'oriente pas un enseignant dans un lycée communal ou bien en fonction de sa qualification. C'est en fonction des places disponibles. Vous avez toujours suivi le processus. Je pense que Bacha Viga est dedans. Le processus de recrutement n'a rien à voir avec le processus de déploiement. Ne vous en faites pas. Quelqu'un peut avoir un gros diplôme, IPA 5, NS 5, et ne pas être disposé pour bien faire. Donc le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique va faire un suivi pour que cette ordonnance ministérielle soit mise en application en toutes lettres. Mais il y a les parents qui s'indignent, qui disent que les nouveaux systèmes font que leurs élèves ne réussissent plus. Quel appel aux parents aujourd'hui? Ils sont responsables aussi de l'éducation de leurs enfants. Oui, les parents, ils sont responsables autant que les partenaires éducatifs. Tout ce que je demande, c'est qu'il puisse y avoir un dialogue permanent. Un dialogue permanent pour qu'ils puissent nous approcher, que l'on puisse, si vous voulez, expliquer et comprendre effectivement que nous sommes là pour la qualité de l'éducation et pour la qualité de leurs enfants. Tous les parents veulent que leurs enfants réussissent. Même ceux qui ne savent pas lire et écrire, ils sont contents que leurs enfants avancent de classe. Mais il est de la responsabilité du ministère que quelqu'un qui avance de classe soit vraiment compétent. Alors c'est pour cela que avec les parents, il y a les parents de plusieurs niveaux d'éducation, je parle, il y a des associations des parents. Ce qui est important, c'est que on puisse être ensemble et que l'information soit partagée. Et aussi il faut tenir compte de la résistance humaine à tout changement des équilibres. Il le sait très bien. Tout changement déséquilibre, même si on décidait que sur cette route, désormais, on va aller dans l'autre sens, ah, les gens vont dire, mais pourquoi? Alors, comprenez que chaque innovation pédagogique, chaque innovation au niveau de l'éducation doit faire quelques résistances. Et de notre côté, je pense que ce que nous devons faire, c'est d'expliquer. Merci, monsieur Lodé. J'ai tout changé, tout évolué. C'est par ici que nous mettons en terme l'émission Mosaïque qui portait sur le nouveau système de l'éducation du réseau scolaire. Pierre Clavet Kanabanzé, spécialiste et pédagogue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Nous étions aussi avec monsieur Cassien Gachira Hamgé, vice-président de la coalition Bafashe et Vigue, qui suit de près l'éducation au Burundi. Et merci d'être venu. Merci beaucoup. Nous étions aussi avec Dr André Nduimana, professeur d'université, directeur général de l'éducation au ministère de l'éducation et de la recherche scientifique. Et merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Séraphine Akizimana a été à la manette, à la prise des images. C'était le duo Justicien Gracia Tuikeze et Doré Nduimana. Désiré Boukieneza était à la réalisation, à l'animation. Vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. À la prochaine. Mosaïque.